sorti d'un disque d'un band qui s'appelle Mise en demeure. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas un band qui vend énormément de disques. Là. Non, ils ont pas révolutionné la musique québécoise. Non. Ça t'a fait connaître durant la crise des Carrés Rouges. L'année passée, il y avait une perquisition chez Amir Kadir qui avait mené à la découverte d'un poster. Mise en demeure, guidant le peuple là, par les policiers du SPVM. Puis l'affiche du groupe s'était retrouvée en première page, Journal de Québec, Journal de Montréal. Kadir armé, char est mort. Ça disait ça. Puis il y avait eu un disque aussi où on avait menacé Jean Charest. Visiblement, on a affaire à du monde qui veut faire parler de lui. Mais en même temps, la question que je me pose, c'est jusqu'où va la liberté d'expression? Je suis assez tolérant là-dessus. Mais qu'on me laisse le droit aussi de jaser, là. Mais eux autres, ils emmènent très large. Ils sortent un disque le 18 mai prochain. Les paroles vont assez loin. Paroles violentes. On va en faire écouter quelques extraits. T'en as sorti quatre. Ouais. On va commencer par un extrait. Ça vire toujours autour de la même affaire. Là. Brûler des chars, tuer Charest, Marois, fuck you. Dans le fond, c'est. Faut brûler des flics, faut tuer des flics. Ça vire pas mal autour de la même affaire. Là. Blesser les autorités, faire du vandalisme, le même genre d'air de guitare. J'aurais pu vous sortir tout l'album. Ah, donc, c'est ça. Ça arrêtait à peu près la même chose. On est d'accord, on va dire, écrivez-moi pas pour me dire, les gars fausses, ça sonne le cul. Ça somme toute une production qui a de l'allure. T'sais, ça n'a pas été enregistré avec un tape réalistique, là, de Radio Shack dans les années 70, là. Non, c'est ça. Mais, un genre de Denis Drolet de l'extrême gauche, là. L'extrême gauche avec des paroles. Radical. Très radical. Très radical. On écoute, qu'est-ce que vous en dites? On écoute. Te rappelles-tu de la foi? Ouais, je sais qu'il est faux, ça. Jean Charest, avec le drill, trouvé d'un coffre à outils, un peu rouillé, un peu moisi, quelque part à Victoriaville. À Victoriaville. Et ça va sortir le 18 mai prochain. Un lancement qui aura lieu au National sur Sainte-Catherine à Montréal. Pourquoi? Charest est plus là. Tu sais, c'est un citoyen privé. Vous l'avez eu, vous l'avez tassé, parfait. Vous avez eu le PQ là, pas hier, mieux, là. Mais tu sais pourquoi c'est le 18 mai, en plus? C'est l'anniversaire de la loi spéciale. C'est ça. C'est ça? Projet de loi P6, là. Ouais, c'est pas sûr que c'est P6, là. C'est la loi spéciale de... Du gouvernement libéral. Du gouvernement libéral. Ouais. C'est le premier anniversaire de la loi 12. Donc, le gars est plus là. Tu sais, je veux dire, who cares? C'est quoi le trip? C'est quoi, là? On l'a tué avec une drill. On a tué Charest avec une drill. Je sais pas. Je comprends pas. Automne! Cette fois-là, c'est, ah oui. On a mangé de la police au Québec. On aime ça. Dans l'extrême gauche. Manger du flic, ça, on aime bien ça. Puis, quitte à le faire en chanson. J'ai mis un flic sur le hood de mon char. Là, je vois la gang de crottés, de lassés, là, danser là-dessus, fumer du pot. Fait pitié, pareil, là. Ça fait... Non, mais c'est surtout que... Ça fait pitié, là. Tu sais, disons des tonnes humoristiques comme RBO sur la police ou des choses comme ça. OK, tu peux niaiser un peu la police, mais là, c'est un peu trop. Tu sais, quand on dit too much, ça, c'est too much, là. Je pense pas que tu peux arriver et te dire... Hey, ben c'est la haine à l'endroit de la police. Pis on l'a vu cette semaine. On était tellement contents de dire, on va enquêter sa police, ouais. On va enquêter. On peut-tu encore enquêter sur ceux qui avaient des boules de billard, pis des briques, des packs-sacs, puis qui ont tenté de faire dérailler un métro, puis qui ont sacré ça dans des vides de restaurants, pis des vides de banques? On peut-tu fouiller ça? Une enquête sur les groupes extrémistes violents de l'extrême gauche? On peut-tu? Ça serait le fun. De prendre quelqu'un de neutre. Pas quelqu'un comme Claudette Carbonneau qui va enquêter sa police. Ça, c'est une vraie farce, là. Ah, tu penses pas que Mme Carbonneau est objective? Autre extrait! Ah, ça concerne Pauline Marois, c'est Pauline ça? Pauline Marois, le Grand Prix de F1 et les automobiles. On y va! Marois, tu ris, mais check bien ton Grand Prix. Marois, tu ris, mais check bien ton Grand Prix. Brûlons des chars pour que personne ne nous ça, c'est un peu... Tu sais, de l'humour, là, de l'humour méchant, là, j'ai pas de problème avec ça, mais, tu sais, jusqu'où ça peut aller, je sais pas. C'est jusqu'où tu peux te cacher derrière l'humour. C'est exact, un peu ça, là. Exact. Ah, c'était de l'humour! Oh, on agaçait Jean Charest quand on menaçait sa famille. C'était un gag. T'as pas le sens de l'humour! Et ça me fait penser aux menaces qu'on avait eues, puis Martine, on a eu une peu un autre, là, pas mal plus que toutes nous autres, la gang réunie, là. Puis du M. C'est un gag, vous entendez pas en rire. Vous entendez pas en rire. Moi, on dit que vous avez pas le sens de l'humour. Tu sais, là, quand il menace Charest, pis sa famille, là, pis sa fille, là, dans cette tune-là, dans l'album qui va sortir, là. On écoute. Dans nos chansons, on dit qu'on veut que tu meurs. On dit qu'on veut que tu crèves. On dit qu'on veut te kicker dans la face. Tu trouves ça offusquant. Tu n'aimes pas qu'on t'agace. Que notre base soit dans la classe. Ça constitue une grosse menace. On dit qu'on veut faire tes drinks avec ta fille, les servir à tes ministres. On veut te choper la graine, te faire manger tes couilles, pis les ovaires de ta mère, de ta grand-mère et de ta fille. Le but ça, on est paritaire. On n'oublie pas que t'as une famille. On n'oublie pas que t'as une famille. On n'oublie pas que t'as une famille. Wow. Ça sent menace, là. Je sais pas, là. C'est parce que au début de la chanson, là, parce que là, c'est ça, j'ai mis juste des extraits, on entendait Jean Charest qui parlait justement du groupe Mise en demeure. Fait que là, c'est sûr que eux se sont sentis interpellés. Ils disaient, des groupes comme Mise en demeure, est-ce qu'ils oublient qu'on a une famille? Puis là, eux autres, ils ont comme dit, encore une fois, sous le couvert de l'humour, ben, on va fesser sur toute la famille de Jean Charest en voulant dire, on l'a pas oublié ta famille. Moi, c'est ça qui me fait dire. Moi, tu parles pas de ma famille. T'sais, ris de moi tant que tu veux, menace-moi, c'est pas grave. Là, des fois, j'en reçois de la haine, mais parle pas de ma blonde ou de mon kid, là. Ça, c'est tout. Tu vas pas là. Libre à vous. Fera bien ce qu'il voudra. Si vous aimez, libre à vous. C'est, oh oui. Donc, ça sort sur le marché. C'est le 18 mai prochain au Québec.